na la metana tous les jours milelo na milelo cadre macro économique à mon thème toujours instable malgré austérité budgétaire affection à mon thème.